Unité 1. 3B. Allô ? Bonjour, je suis bien en 06 45 56 62 22. Oui, c'est bien ça. C'est à quel sujet ? Je vous appelle au sujet de l'appartement à changer à Lyon. Ah, très bien. Pierre Cabet, vous êtes ? Je m'appelle Enrique González. Je vous appelle de Madrid. Je pense avoir un appartement équivalent au vôtre à changer pendant le mois d'août. Mais j'aimerais bien avoir quelques précisions. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? D'abord, est-ce qu'il y a bien trois chambres ? Non, non, pas du tout. C'est un F3. Il y a donc deux chambres. Ah, d'accord. Je voulais aussi être sûr qu'il est bien situé au centre-ville. Oui, tout à fait. L'appartement se trouve dans le quartier de la Guillotière. C'est en plein centre. D'accord. Je souhaiterais aussi savoir s'il est bien desservi par les transports publics. Eh bien, écoutez, vous avez le métro Saint-André. Et en plus, en bas de l'immeuble, à deux pas, il y a la station de bus. Trois lignes s'y arrêtent. C'est vraiment très pratique. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il est lumineux ? Oui, tout à fait. Le salon donne plein sud. Et la vue est dégagée. Oh, très bien. Autre chose, est-ce que vous acceptez les fumeurs ? Ma femme et moi sommes tous les deux non-fumeurs et assez sensibles à l'odeur de la cigarette. Très honnêtement, nous préférerions échanger avec des non-fumeurs. Je vois. Je voulais aussi savoir, est-ce que vous avez des animaux de compagnie ? C'est assez important, ma femme est allergique. Ah, alors, il risque d'y avoir un problème. Nous possédons deux chiens et un perroquet, qui ne seront évidemment pas présents dans la maison pendant le mois d'août, mais si votre épouse est allergique, ça va être compliqué pour elle. Oui, je crois que ça va être difficile. Bon,